Chapitre 5. Quand le troisième jour fut arrivé, Esther revêtit les insignes de la royauté et se présenta dans la cour intérieure du palais royal, face au palais. Le roi siégeait sur son trône royal dans le palais, face à l'entrée de l'édifice. Au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle obtint sa faveur. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait en main. Esther s'approcha et toucha la pointe du sceptre. Le roi lui dit : « Qu'as-tu, reine Esther ? Quelle est ta requête ? Elle te sera accordée jusqu'à la moitié du royaume. » Esther lui répondit : « S'il plaît au roi, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Le roi dit : « Pressez Aman de donner suite à l'invitation d'Esther. » Le roi et Aman vinrent au festin qu'Esther avait préparé. Pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther : « Quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. Quelle est ta requête ? Jusqu'à la moitié du royaume, elle sera exaucée. » Esther répondit : Ma demande, ma requête. Si j'ai obtenu la faveur du roi, qu'il plaise au roi d'accorder ma demande et d'exaucer ma requête. Que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je répondrai explicitement au roi. Aman sortit ce jour-là, le cœur plein de joie et d'euphorie. Soudain, Aman vit Mardoché à la conciergerie royale. Celui-ci ne se leva pas et ne s'écarta pas devant lui. Alors Aman fut rempli de fureur au sujet de Mardoché. Mais il se domina et rentra chez lui. Il envoya chercher ses intimes et sa femme Zérek. Aman leur fit le compte de sa richesse prestigieuse, du nombre de ses fils, de toutes les façons dont le roi l'avait distingué en l'élevant en dignité au-dessus des princes et des serviteurs royaux. Et même, leur dit-il, c'est moi et personne d'autre que la reine Esther a invité avec le roi au festin qu'elle avait préparé. Et demain encore, c'est moi qu'elle a convié avec le roi. Et pourtant, tout cela ne vaut rien pour moi tant que je pourrai voir ce juif Mardoché en place à la conciergerie royale. Sa femme Zérek et tous ses intimes lui dirent : Qu'on dresse donc une potence, haute de 50 coudées, et demain matin tu diras au roi qu'on y pende Mardoché. Tu peux donc aller joyeux au festin avec le roi. La chose plut à Aman. Il dressa la potence.